Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. À la vie, à la mort, amitié médiévale sous la foi du serment. Est-il simple d'être ami dans le monde franc? Est-il possible d'être franc en amitié dans l'univers carolingien? Roland et Olivier, Alcuin et Charlemagne, allez savoir. Et Saint-Louis et Joinville, quelle est la nature de l'amitié entre un vassal et son suzerain, entre deux compagnons partis en guerre, entre deux moines qui suivent la même règle? Amis, amants, voici le temps des amours médiévales. Au Moyen-Âge, on s'aime. Le seigneur aime son vassal, le vassal aime son seigneur en retour, et on est même jusqu'à aller trouver une thèse presque psychanalytique pour dire qu'il aimait le roi. Le corps a ses raisons qui échappent à la raison. Ainsi fut la paix faite. Régine Lejean, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiéviste professeur à l'Université Paris, un Panthéon-Sorbonne. Et disons-le tout de suite, pour parler de l'amitié au Moyen-Âge, déposons hors de notre studio toutes nos conceptions contemporaines de l'amitié. On est d'accord ? On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Pour comprendre le rôle, la place de l'amitié, ce qu'est l'amitié dans les sociétés anciennes et en particulier dans les sociétés médiévales, mais c'est la même chose dans les sociétés antiques, je pense qu'il faut se décentrer, même si l'amitié étant un sentiment, d'abord un sentiment, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence avec l'amitié telle qu'on peut la concevoir de nos jours. Mais l'amitié étant aussi une relation entre deux êtres, ou entre plusieurs êtres, entre plusieurs personnes, c'est cette conception-là qui peut être différente et qui est différente dans les sociétés médiévales. Amis ou ennemis, émotions, relations, identité au Moyen-Âge. Vous publiez, Régine Lejean, cet ouvrage au Seuil et vous écrivez, selon les psychologues, l'amitié répond au même besoin vital d'affection et de communication que l'amour. Elle est indispensable au développement affectif et à la socialisation des enfants jusqu'à l'équilibre affectif des adultes. Vous faites intervenir des psychologues ici ? Oui, je fais intervenir des psychologues parce que pour écrire ce livre, j'ai eu recours et je me suis inspirée des sciences sociales, des sciences humaines, de la psychologie bien sûr, mais également de la sociologie et de l'anthropologie pour essayer de comprendre justement ce que représentait ce sentiment, l'expression de ce sentiment et la nature de cette relation dans ces sociétés. Donc, j'ai eu recours à ces travaux-là. Oui, c'était mais nécessaire. Également aux travaux même des éthologues, hein, c'est-à-dire des comportements des animaux et de ce que l'on pouvait en tirer, non pas forcément pour l'amitié, mais pour la haine ou pour la peur, puisque mon livre parle des relations entre l'amitié et la haine, même si aujourd'hui on s'intéresse essentiellement à l'amitié. Oui, parce que vous le dites bien, il n'est pas question de comparer les Indiens d'Amazonie avec les gens du Moyen-Âge, c'est pas ça, c'est plutôt la démarche intellectuelle. Voilà. Mais dites-moi, l'éthologie, le comportement des animaux, ça vous a appris quoi ? Alors l'éthologie, le comportement des animaux, ça m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, devant un danger, l'animal a plusieurs comportements possibles. Il peut s'enfuir s'il a la possibilité de s'enfuir. Il peut attaquer s'il est en position de force ou il peut ne rien faire du tout. Et je me suis rendu compte que les textes médiévaux donnaient des exemples de telles réactions. Par exemple, il est souvent question de gens qui sont terrifiés et devant le danger, eh bien, ils ont des comportements qui peuvent être assimilés à ceux des animaux. C'est difficile de saisir le sentiment des gens, les relations. Et oui. Ici, je comprends très bien, Régine Lejean, votre démarche d'aller puiser dans toutes les sciences sociales. Et en tant qu'historienne, vous avez le regard aiguisé dans les manuscrits médiévaux pour repérer les signes de l'amitié. Alors, dans le vocabulaire, ça apparaît comment ? Alors, dans le vocabulaire, ça apparaît avec un vocabulaire riche, multiple. On a plusieurs termes qui peuvent désigner l'amitié. Bien sûr, le terme amicitia, qui a donné amitié, qui est tiré du verbe amare, aimer. Donc, il y a au départ, dans l'amitié, cette notion d'amour, cette notion d'élan vers l'autre. Mais on a d'autres termes, dilectio, qui vient du terme diligere, qui veut dire aussi aimer. Affectus, par exemple, ou caritas, qui a donné charité, mais qui vient du terme carare, et qui signifie aussi chérir, donc aimer. Donc vous avez un certain nombre de vocables qui se rapportent tous à, au fait d'aimer, hein, au fait de l'amour. Oui, parce qu'on peut le dire, il n'y a pas si longtemps que ça encore, dire « mon ami », on ne savait pas exactement, si c'était de l'amitié ou de l'amour. Exactement. Alors, ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est la relation entre le terme « amor » et le terme « amicitia ». Le terme « amor » en latin, qui a donné « amour » en français, qui a donné « amore » en italien, enfin, etc., dans les langues romanes. Et évidemment, nous, dans nos sociétés contemporaines, alors, dans nos sociétés occidentales contemporaines, j'insiste, c'est-à-dire européennes et américaines, du Nord, nous faisons la différence entre amour et amitié lorsqu'il s'agit de personnes. Bon. Et c'est introduit dans le terme amour une connotation sexuelle qui a été introduite au XIXe siècle, mais qui n'existe pas dans ces sociétés. Ce qui fait que les termes sont très largement interchangeables. Et on peut utiliser amour pour amitié, amitié pour amour. Ce que vous nous dites là, d'ailleurs, est valable sur la longue durée parce que vous ouvrez votre livre avec Saint-Just. Donc, on se trouve à la fin du XVIIIe siècle en disant ben, Saint-Just a une notion de l'amitié qui ressemble plus à celle des Carolingiens qu'à la nôtre. Voilà, exactement. Exactement. Donc, la coupure dans ce domaine-là est intervenue au XIXe siècle. Et donc, il faut avoir à l'esprit, c'est ça aussi, se décentrer, c'est avoir à l'esprit que nos critères, nos clivages, nos distinctions ne sont pas les mêmes au Moyen-Âge. Et puis la manière de les exprimer aussi, c'est-à-dire qu'on dit plus facilement son amour à l'autre. Alors c'est vrai que c'est délicat hein, aujourd'hui d'utiliser le mot amour parce que tout de suite la notion de relation liée au sexe apparaît alors que ce n'est pas du tout le cas. Exactement. Exactement. Il y a une affectivité plus grande, c'est-à-dire une manière d'exprimer ses sentiments ou manière d'exprimer sa proximité, si on se trouve dans le champ du politique, qui est beaucoup plus forte que de nos jours et qui s'est également, semble-t-il, parce que là il y a une question de source, semble-t-il renforcée à l'époque féodale, disons à partir du Xe siècle, où l'on manifeste d'une manière plus visible son amitié et sa proximité par des gestes, donc des gestes, des embrassades, de fougueuses embrassades, embrassades au sens premier du terme, c'est-à-dire entourées par ses bras, hein. Mais également les baisers. Alors, il y a eu des études sur les baisers, l'apparition du baiser sur la bouche, y compris entre personnes du même sexe, et qui n'ont pas du tout la connotation sexuelle que nous leur donnons de nos jours, mais qui signifie clairement une proximité, une familiarité, donc une grande amitié. Et bien cette étude, elle porte justement sur l'histoire du baiser sur la bouche au Moyen-Âge. On écoute son auteur. Alors, le baiser sur la bouche entre hommes était donc un rituel manifestant, démontrant même l'amitié, en particulier chez les chevaliers. Au Moyen-Âge, on s'aime. Le seigneur aime son vassal, le vassal aime son seigneur en retour, les chevaliers s'aiment, et cette forme d'amour, c'est même quelque chose d'assez particulier, parce qu'en fait, il s'agit d'un engagement total de la personne, et cet amour, il donne des droits, bien sûr, à celui qui est aimé, comme l'amour aujourd'hui donne des droits à celui qui est aimé par une personne, mais surtout, cet amour, il implique des devoirs. Et on sent que derrière cet amour, il y a toute une dimension qui est celle, d'ailleurs qu'on retrouve dans l'amour courtois, qui est celle d'une amélioration de l'être, de la recherche d'un progrès, et un progrès qui concerne chacun des deux participants à cette relation d'amour, et en même temps, il y a un échange mutuel dans ce progrès. L'historien Yannick Carré qui s'exprimait à propos de son ouvrage « Le baiser sur la bouche au Moyen-Âge, rite, symbole, mentalité à travers les textes et les images, 11e, 15e siècle ». On se faisait des gros bisous sur la bouche, Régine Lejean, alors. Oui, on se faisait des gros bisous sur la bouche, on s'embrassait en tout cas. Et c'était, comme je l'ai dit, le signe d'une familiarité, d'une proximité. Et ce n'est pas tout, c'est ça que l'on voit apparaître nettement dans votre étude, c'est qu'il y a tout un protocole qui se met en place, c'est très codifié. Vous nous l'avez dit, hein, l'embrassade au sens où on prend l'ami dans ses bras, le hug aujourd'hui anglo-saxon, le bisou sur la bouche et ça ne s'arrête pas là. Non, il y a un certain nombre, on peut parler de rituels, hein, un certain nombre de rituels d'amitié qui manifestent à la fois la proximité, la rencontre entre les amis et cette familiarité, en même temps cette distinction, puisque l'amitié est également un signe distinctif entre les élites ou entre les gens qui se connaissent. L'amitié, de ce point de vue-là, peut se développer entre égaux, c'est-à-dire entre personnes de même niveau social, mais elle peut également transcender la hiérarchie, et c'est-à-dire se développer entre un seigneur et son vassal, et donc nécessite un certain nombre de rituels, donc de publicité. Parmi ces rituels, il y a le banquet, qui joue un rôle très important. Ça n'est pas du tout une spécificité médiévale, hein. Je pense dans la Bible à la scène, au banquet du Christ avec ses disciples. Vous avez là l'exemple d'un banquet qui pourrait être un banquet médiéval avec le Seigneur au milieu et ses disciples de part et d'autre, sauf que dans le récit de la scène, il n'y a pas de femmes, alors qu'il peut y avoir des femmes dans les banquets médiévaux. Mais le fait de partager la nourriture, donc de manger en commun, de boire en commun, est un signe de proximité et un signe de resserrement des liens. De même que l'échange des cadeaux, qui joue également un rôle fondamental. Il n'y a pas de banquet, il n'y a pas de réception, d'entrée, ou de départ sans échange de cadeaux. Et l'échange de cadeaux est vraiment le signe de l'amitié. Alors, ça n'est pas seulement un symbole de l'amitié, c'est aussi le support de l'amitié. Étant donné que dans ces sociétés, les choses elles-mêmes, les objets, sont également porteurs d'identité. Ce ne sont pas des objets purement matériels comme nous pouvons les considérer de nos jours, en séparant d'une manière absolue et même en opposant le matériel et le spirituel, la nature et la culture, pour reprendre les distinctions de Philippe Descola, qui m'a également beaucoup inspiré. Donc, ces objets, que ce soit des terres, que ce soit des objets précieux, portent en eux-mêmes l'identité de ceux qui les ont portés et de ceux qui les donnent. Et donc, c'est en quelque sorte une coprésence dans l'objet, dans les objets qui sont échangés. Ce qui permet d'ailleurs une présence à distance. Ce qui permet une présence à distance, de même que la lettre d'ailleurs. La lettre qui est toujours accompagnée de cadeaux, petits, grands, mais de cadeaux. L'importance du matériel, vous voyez, dans la relation. C'est quelque chose qui est très différent, encore que nous échangeons des cadeaux à l'occasion d'anniversaires ou de réceptions. Nous apportons des cadeaux, mais ces cadeaux n'ont pas la même signification qu'à cette époque-là. Ces cadeaux ont perdu une partie de leur force. Là, ces cadeaux, ces objets sont dotés d'une force intrinsèque qui est en quelque sorte la force de la personne qui le donne. Avec la complexité, on sent que ça taraude les esprits au Moyen-Âge de dire comment être ami dans une société très hiérarchisée. Vous nous l'avez dit, Régine Lejean, hein, entre le vassal et son suzerain, mais il y a une hiérarchie, comment on peut être ami? Ça nécessite tout cela, des codes extrêmement précis pour que ça fonctionne. Alors, oui, la hiérarchie n'a pas toujours été aussi forte dans l'ensemble du Moyen-Âge, hein. La hiérarchie s'était desserrée après la fin de l'Empire romain. La société romaine était fortement hiérarchisée, en système de classe, en citoyen, non citoyen. Cette hiérarchie s'est très largement effondrée avec la fin de l'Empire, parce qu'elle reposait sur la construction impériale. Donc avec la fin de l'Empire, il y a eu un desserrement, et progressivement, la nouvelle hiérarchie s'est constituée, essentiellement à partir de l'époque carolingienne, qui de ce point de vue-là, marque un changement, une hiérarchisation. Et s'est renforcée ensuite avec la féodalisation. Paradoxalement, parce que la mise en place du régime féodal marque aussi un affaiblissement des pouvoirs centraux et en même temps un renforcement des liens verticaux. Alors, se constitue aussi une idéologie, se met en place une idéologie englobante à partir de l'époque carolingienne, dans laquelle ce qui fait tenir l'ensemble, c'est l'amour de Dieu, puisque cette société est christianisée, et au fond, c'est l'amour de Dieu qui constitue l'horizon idéologique commun à tous ces chrétiens et à tous ceux qui vivent au sein de ces royaumes ou au sein de ces empires. Donc on a cet horizon qui se traduit par exemple dans ce que l'on peut appeler l'amour féodal, qui est d'une certaine manière un peu différent de ce qu'est l'amitié entre les personnes. L'amour féodal qui en vient à signifier la fidélité féodale entre le seigneur et son vassal. Et puis des amitiés particulières qui peuvent se nouer plus particulièrement, plus spécifiquement, entre deux personnes, y compris entre le seigneur et son vassal. Ou alors entre Roland et Olivier. Sire Olivier, qu'il ne soit point scellé, je garantis sur ma grande loyauté que vous chérissez plus qu'homme qui soit né fort Charlemagne, l'empereur couronné. Puisque Dieu veut que soyons accordés, jamais n'aurai ni châtel, ni cité, ni bois, ni tour, ni ville, ni ferté, que vous aussi n'en ayez la moitié. Aude prendrez, s'il vous vient en bon gré, avant qu'il ne soit 4 jours passés. Olivier l'entend, l'en a remercié, et ses deux mains il a vers Dieu levé. Seigneur, Seigneur, soyez bien adoré, avec Roland je suis réconcilié. Puis sont assis sur la verte herbe au pré, leur foi se jure en bonne volonté et grand amour pour toute éternité. Ainsi fut la paix faite. Gérard devient une chanson de geste composée par Bertrand de Barre sur Aube. On est à la toute fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle. Ici, c'est une lecture par Michel Lezur, l'historien qui, dans l'émission Heure de Culture Française, a fait cette longue lecture de cette amitié. Roland et Olivier, faut le rappeler toujours, Régine Lejean, la chronologie, c'est-à-dire que le texte est composé à la fin du XIIe siècle, mais raconte une histoire bien antérieure qui nous conduit au temps de Charlemagne. Oui, c'est une histoire qui nous conduit au temps de Charlemagne. Le personnage de Gérard de Vienne est bien connu, Gérard de Roussillon est bien connu. C'est un très grand aristocrate apparenté à la famille royale. Mais l'histoire en elle-même est une histoire qui date de l'époque féodale et non pas de l'époque carolingienne, même si les personnages sont d'origine carolingienne. Alors vous avez ici quelque chose d'intéressant parce que vous avez eu un conflit, une dissension entre des amis et une réconciliation qui est faite par l'intermédiaire de la médiation de différentes personnes qui sont des intermédiaires entre ceux qui, tout en ayant été amis, sont devenus des ennemis, mais qui n'ont pas perdu leur relation d'amitié, qui est renouvelée à l'occasion de cette réconciliation qui se traduit par des échanges, si j'ai bien compris, de terres, etc., qui vont rétablir la paix, qui vont retisser la paix. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est cette capacité, d'une certaine manière, à être amis et ennemis en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont été amis, ils ont eu des dissensions, mais ces dissensions, si elles ont suscité la haine, il faudrait étudier de près le texte pour voir ce qu'il en est, n'ont de toute façon pas fait disparaître la relation antérieure qui va être remise à l'honneur à l'occasion de cette réconciliation. Les relations se superposent, mais ne se remplacent pas. elles sont toujours présentes au sein de la personne. Parce que chaque relation est porteuse d'une identité particulière et chaque relation est partagée avec d'autres. Il y a donc, entre les personnes qui partagent une même relation, une forme de coprésence. C'est très différent de ce que l'on peut, de ce que l'on considère être une personne dans nos sociétés, avec l'individualisme qui s'est renforcé. Donc là, vous avez des relations qui déterminent des coprésences et ces relations ne disparaissent pas. Elles peuvent être mises en veilleuse, si vous voulez, en veille, mais elles peuvent ressurgir. J'ai un exemple, d'ailleurs, que j'ai cité dans mon livre, c'est l'exemple inverse. C'est deux grands de l'époque mérovingienne, qui, un Patrice de Bourgogne et un duc, qui sont en compétition, puisqu'on se trouve dans des sociétés compétitives pour obtenir la meilleure place. Étant en compétition, ils ont été amenés à s'affronter à plusieurs reprises et ils ont conclu des amitiés. Et ils ont conclu des amitiés dans des églises, donc sur des objets sacrés, mais ces amitiés finalement peuvent se rompre ou s'affaiblir, donc on les renouvelle. Et puis, à un moment, l'un d'entre eux, dit Frédéguer, le chroniqueur qui raconte l'histoire, dit que l'un d'entre eux se souvient d'une vieille haine cachée au fond du cœur. Et la vieille haine ressurgit et ils vont s'entretuer et finalement disparaître. Voilà, mais vous voyez, la haine existait toujours malgré les amitiés et l'inverse est vrai. Ami ou ennemi, avec un point d'interrogation, c'est le titre de votre livre, Régine Lejean. Oui. Et nous comprenons bien que ce ne sont pas des individus comme aujourd'hui. Tout est relié tout le temps dans ces sociétés. D'ailleurs, c'est difficile pour nous à comprendre ce fonctionnement. Tout à fait. Et c'est très difficile à comprendre parce que nous sommes imprégnés d'une conception individuelle de la personne et de l'individualisme. Et là, nous sommes vraiment dans des sociétés d'interdépendance. Et si l'on n'essaie pas de se mettre dans cette idée-là, dans cette conception-là, on a du mal à comprendre. Et on a du mal à comprendre, par exemple, qu'il puisse changer de fidélité très facilement. Alors, tout à l'heure, Yannick Carré disait dans sa lecture que le vassal engageait complètement sa personne envers son seigneur. C'est vrai, mais à travers une relation. Mais il en a d'autres. Donc il peut engager complètement sa personne dans une autre relation et envers un autre seigneur. Et ça, pour nous, c'est extrêmement difficile à comprendre, mais ça explique la fidélité multiple. Vous voyez qu'un vassal puisse être engagé envers plusieurs seigneurs qui d'ailleurs peuvent être ennemis. Oui, la situation complexe. Hein. La situation complexe qu'on a essayé de résoudre par le biais de l'hommage lige, c'est-à-dire l'hommage principal, mais sans que ça marche réellement. Parce que, précisément, on est dans ce type de relation, ce type d'identité qui permet de jouer, évidemment, sur plusieurs tableaux, qui explique que l'on puisse changer de fidélité sans être forcément taxé de trahison, mais qui finalement maintient un équilibre global par le biais de l'intersection, de l'enchevêtrement des différentes relations. C'est un équilibre qui se produit et qui s'établit par ce biais-là. Et on a du mal à le comprendre. Ah oui, on a du mal à le comprendre, mais avec vous, Régine Lejean, c'est beaucoup plus clair. Encore, faut-il être sincère en amitié ? Ah oui, bien sûr. L'abbé de Saint-Gall invita les deux comtes Berthold et Erschanger pour un banquet et un échange de cadeaux. Mais l'abbé se vantait de toutes les richesses qu'il avait reçues du roi. Il excita leur esprit qui se sentirent offensés. Ces hommes ne purent supporter toute la gloire factice de l'abbé. Au moment où ils allaient prendre congé, on leur apporta des cadeaux de prix. Parmi ceux-ci, il y avait des vases en verre qu'ils avaient beaucoup admirés. Les prenant alors dans leurs mains, ils se consultèrent du regard l'un l'autre et laissèrent tomber, et se mirent à rire quand ils les brisèrent. L'évêque leur demanda, en leur donnant un baiser, elles étaient à vous, vous n'aviez pas besoin de briser des coupes d'aussi grand prix. » Ils répondirent, « On donne du verre aux amis de verre. Nous ne voulons pas être de verre. Nous avons brisé le verre. » Et après s'être embrassés et avoir bu en signe d'amour, ils s'en vont tout joyeux. Daniel Königsberg qui nous conduisait en Suisse dans l'abbaye de Saint-Gall. C'est très intéressant, Régine Lejean, ce texte qui date autour de l'an 900, hein, et qui raconte cette amitié. Oui, l'épisode date de cette époque-là. Le récit est un peu plus tardif, est intéressant de toute façon, et montre effectivement comment les rituels d'amitié peuvent être détournés dans un contexte de compétition aiguë et agressive. Ici, tous les éléments du rituel de pacification sont présents, puisque il s'agit de gens qui étaient ennemis, hein, qui se sont combattus, qui ont rivalisé, avec des conflits, et là on est parvenu à un accord, donc à conclure une amitié et à accomplir les rituels de pacification qui passent, comme vous le voyez dans le texte très clairement, par un banquet qui est offert par l'évêque et des nourritures, des mets fastueux, etc., et un échange de cadeaux. Sauf que le rituel est complètement détourné, et il est détourné ici par l'évêque, qui se sert de ce rituel pour humilier autant qu'il le peut les comptes en question. Là, il montre sa richesse de manière démesurée. Il étale sa richesse, et non seulement il étale sa richesse, mais... les cadeaux qu'il leur présente, il leur dit que c'est le roi qui lui a donné, alors que le conflit en question vient de ce que le roi a donné à l'évêque des biens que les comtes, et en particulier le château de Bodman, que les comtes considéraient comme devant leur revenir. Donc en fait, il s'agit de provocation. L'évêque fait, il y en a d'autres, il les compare à ses bergers, en leur disant que les bergers sont plus riches qu'eux-mêmes. Donc, un certain nombre de provocations, tout est détourné, y compris les cadeaux, et ils vont, d'une certaine manière, se venger en brisant les fameux verres qu'ils avaient, les fameux vases qu'ils avaient admirés, tout en riant. Hein. Et le rire ici est également un rire provocateur, parce que le rire, le sourire, peut être un élément caractérisant les amis entre eux, hein, qui s'amusent ou qui sont contents d'être ensemble. Et là, il s'agit d'un rire provocateur, puisqu'il casse les vases en même temps, des vases en verre. Alors le verre est quelque chose de très précieux dans ces sociétés-là. Donc il casse un cadeau de prix. C'est assez difficile à interpréter. Donc le verre est quelque chose qui se brise. Donc il brise l'amitié d'une certaine manière. En même temps, on voit à travers le verre, et c'est donc une personne qui n'a aucune consistance, qui est une personne de verre. Oui, voilà, au moins c'est clair, une amitié de verre. Régine Lejean, bien sûr, tous ces textes à étudier, c'est absolument sensationnel, mais dans Amis ou Ennemis, de votre démarche d'historienne, vous associez ça à l'iconographie. Et ces manuscrits médiévaux ont cette chance d'avoir des images que l'on interprète mal si on les regarde trop rapidement. Vous nous avez évoqué ces banquets. Ah oui, il y a la scène, là vous reproduisez le banquet d'Hérode. Tous ces banquets qui sont censés représenter quelque chose de lointain et de religieux, en fait, c'est la société qui les produit. Bien sûr, ils représentent la société qui les produit. Alors là, on le voit bien dans le banquet d'Hérode, qui a l'intérêt de représenter des femmes qui sont présentes au banquet. Vous savez que les femmes sont plus difficiles que les hommes à percevoir dans les sources du Moyen-Âge. D'une part parce que ce sont des sociétés patriarcales et masculines et que la domination masculine n'y est pas un vain mot. D'autre part parce que les sources que nous possédons, les sources écrites que nous possédons sont écrites par des hommes et de surcroît par des clercs. Et enfin, parce que lorsque les femmes sont décrites, elles sont souvent décrites pour plaquer sur elles des images, soit négatives, soit positives, tirées de la Bible, par exemple. Mais ici, dans cette représentation du banquet d'Hérode, les femmes sont présentes et on peut penser qu'elles sont présentes lors des banquets, aux côtés de leur mari, aux côtés du Seigneur. Et cette représentation-là est intéressante. Eh oui, parce que, historien, historienne, tout le monde dépend des sources, et vous écrivez, Régine Lejean, « Si je n'ai pu entrer dans le monde des paysans, j'ai choisi une approche aussi genrée que possible dans le traitement des sources, tout en cherchant à éviter de tomber dans le travers d'une surreprésentation des femmes. » Parce que, oui, il y a, vous venez de le dire, les femmes peu représentées dans les sources, et puis ce peuple, ce petit peuple, ces paysans aussi peu représentés. Là, c'est de l'hypothèse sur l'amitié. Oui, tout à fait. Alors, il faudrait faire une enquête en traquant, mais déjà j'ai étudié beaucoup de sources, il faudrait faire une enquête extrêmement précise à travers la géographie, en particulier pour traquer des mentions, des traces et des mentions d'amitié au sein du monde paysan. On doit pouvoir trouver des choses, mais je n'ai pas fait cette enquête-là, je le dis tout de suite. Et de toute manière, les traces sont peu nombreuses. Mais l'amitié étant un sentiment et une relation général, on va dire universel, hein, qui n'est pas propre ni à la société médiévale ni à la société occidentale, il est évident que l'amitié se développe aussi dans les sociétés paysannes à travers les rites de sociabilité que nous connaissons aussi par l'iconographie d'ailleurs, au travail où des femmes dans des lieux particuliers qui leur sont réservés, le lavoir, les ateliers de tissage, dont nous concevons bien l'importance à travers cette fois-ci l'archéologie qui nous montre des lieux, des cabanes pour l'époque mérovingienne, mais des lieux qui ont été des lieux de sociabilité. Quant au lavoir, il y en a encore dans nos villages, hein, qui évidemment ne servent plus à aller faire la lessive collectivement, mais qui ont servi pendant des siècles et des siècles aux femmes à aller faire la lessive en commun ou dans le cours d'une rivière. Et ce sont des lieux de sociabilité dans lesquels se développent des amitiés, des rivalités également, hein, mais des amitiés aussi, comme les amitiés se développent dans les cours royales, les cours féodales. Et on peut penser d'ailleurs qu'au sein de ces cours, des amitiés féminines se sont développées également. Le problème, c'est que nous avons peu de traces de ces amitiés féminines. Nous pouvons avoir quelques traces d'amitié entre hommes et femmes, en particulier entre un directeur de conscience, on va dire, et une femme. Mais cette relation peut aller jusqu'à l'amitié. On a des lettres, alors, puisque les lettres sont une source importante pour comprendre ce qu'est l'amitié. Vous savez que dans l'Antiquité, les lettres d'amitié, ce qu'on appelait les lettres d'amitié, étaient très nombreuses, c'est-à-dire on échangeait des lettres comme preuve d'amitié, simplement pour témoigner l'amitié. Et on en a aussi à l'époque médiévale, on en a peu à l'époque mérovingienne, on en a encore au VIe, mais peu ensuite, mais on en a de nouveau à l'époque carolingienne, puis dans les siècles suivants. Et on a des lettres, par exemple, d'Alcuin, à des aristocrates anglo-saxonnes, puisqu'il est d'origine anglo-saxonne, ou à des princesses carolingiennes, ou à des grandes aristocrates. On a de ces lettres, et on en a d'autres. On a des lettres d'Ingmar de Reims à l'impératrice Ermengarde. Alors, ce ne sont pas réellement des lettres d'amitié, mais qui témoignent d'une relation, on va dire, porteuse d'affect, puisque toute relation au Moyen-Âge est porteuse d'affectivité. Alors, ça peut être positif ou négatif, mais porteuse d'affectivité. Il n'y a pas de relation neutre au Moyen-Âge. Et puis, nous l'avons dit, pas d'individu avec peu de sources pour les paysans, peu de sources pour les femmes. Ah, par contre, pour les clercs, oui, ça, il y en a. Alcuin. Oui. Mon tendre amour pleure un ami absent. Qu'une vaste étendue de terre dérobe à ma vue. Tu es celui-là, uni à moi dans un grand amour. Tu es la paix de mon esprit. Un doux amour pour moi. Que Dieu veille sur toi pour toute l'éternité. Porte donc avec toi ces modestes vers, mon frère, mon ami. Garde pour toujours, je te le demande, le souvenir de moi comme de ton ami. Maintenant et à jamais, doux ami. Adieu. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Daniel Königsberg, qui était Alcuin, conseiller de Charlemagne, avec ce texte, Régine Lejean. Mais c'est un poème d'amour. Oui, alors c'est à Arne de Salzbourg, c'est ça? Alors celui-là, moi j'ai poème pour un ami absent. Ah, pour un ami absent. Bon, et on a des lettres d'Alcuin à son ami Arne de Salzbourg qui sont de véritables lettres d'amour. Hein. Et c'est très intéressant parce que vous voyez la tristesse du manque, les qualificatifs, mon doux ami, l'envoi de vers donc d'un poème qui en quelque sorte pallie l'absence et va faire que en sorte que il soit présent, qu'Alcuin soit présent auprès de son ami tout en étant physiquement absent. On a là de véritables poèmes d'amour qui de notre point de vue sont relativement ambigus, je dirais, hein, mais qui ne l'étaient pas dans cette période-là et dans cette société-là, d'autant plus que c'est à un ami absent. Donc, on peut imaginer que c'est un modèle de lettres. Mais on a des lettres à Arne qui sont destinées à Arne, qui était le grand ami d'Alcuin, mais qui ne sont pas des lettres privées au sens où nous l'entendons de nos jours. C'est-à-dire que ces lettres chargées d'une très forte affectivité de ce que nous pouvons appeler l'amour, ne sont pas destinés à être lus par une seule personne, sont destinés à circuler et à être montrés, à être lus par d'autres. Et c'est ce qui enlève toute ambiguïté, tout en étant le signe d'une très grande proximité, d'une très grande familiarité, d'un très grand amour. Mais l'ambiguïté disparaît par le fait que elles sont destinées à être publiques. Oui, parce que vous nous l'avez bien dit, Régine Lejean, c'est le 19e siècle hein, qui impose cette idée. Exactement. Que d'un côté, il y a l'amour avec du sexe éventuellement, et de l'autre côté, il y a de l'amitié, et là, il n'y a pas de sexe, l'amitié, l'amour sans sexe, etc. C'est pas du tout ça dans la période qui vous intéresse. Non. Au Moyen-Âge, vous parlez d'homophilie active. Oui. Alors, c'est quoi cette homophilie? C'est cette proximité, et c'est pour ça qu'on met de côté l'homoérotisme. Il n'y a pas d'érotisme ici. Non, il n'y a pas d'érotisme. Enfin, il n'y a pas de sexualité. Voilà. Il n'y a pas de sexualité. L'homophilie, c'est l'amour entre personnes du même sexe, sans que ça aille jusqu'à des relations sexuelles. Ça, on n'en sait rien, de toute façon. Hein. Mais ça, c'est du domaine du privé. Mais là, vous avez une relation, un amour. D'ailleurs, ce que l'historien américain Stephen Yeager a appelé l'amour public. Et c'est une belle formule. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille opposer le public et le privé, parce que public et privé sont interconnectés dans ces sociétés-là, mais que c'est en public, c'est différent. Hein, il y a une publicité. C'est pas le public opposé au privé, c'est une publicité qui est faite et qui peut se manifester entre personnes du même sexe, et c'est d'ailleurs surtout entre personnes du même sexe que cette proximité se manifeste, parce que elle est en partie liée au politique, à ce que nous pouvons appeler le politique, c'est-à-dire les relations entre les élites. Oui, parce que faut pas opposer le public, le privé, etc. Selon nos conceptions à nous, faut pas opposer non plus l'Antiquité et le Moyen-Âge. Il y a comme une longue continuité. Quel est l'apport de l'Antiquité sur l'amitié? Parce que l'amitié, vous nous l'avez dit déjà, Régine Lejean, était très fort dans l'Antiquité avec ses lettres d'amitié. Bah, il y a une continuité ici. Il y a tout à fait une continuité, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, l'amitié est à la fois considérée comme une valeur, la valeur de l'amitié. Ce qui unit des personnes de valeur, des hommes de bien, parce que hommes de bien, ça exclut les femmes. Or, on a dans l'Antiquité des lettres d'amitié échangées avec des femmes, donc ça n'est pas une relation qui se limite aux hommes. Donc c'est une valeur qui distingue les personnes de bien, et c'est aussi un ciment social et un ciment politique, parce que cette amitié vertueuse qui est exaltée par les moralistes romains est le support de la construction politique romaine, puisque cette amitié valorisée, cette vertu de l'amitié et cette amitié vertueuse ont pour horizon la cité avec un grand C, c'est-à-dire Rome, la construction impériale. Donc ces amitiés doivent être mises au service de Rome, au service de la construction. Alors ce qui passe au Moyen-Âge, c'est l'amitié comme vertu, l'amitié vertueuse, avec la distinction entre la vraie amitié et la fausse amitié, distinction que l'on trouve déjà chez Aristote, qui est reprise par Cicéron et qui passe dans tous les textes médiévaux. La fausse amitié devenant l'amitié qui est détournée. C'est l'évêque et les comtes. Hein. Et on a beaucoup d'exemples de ce type allant jusqu'au meurtre. Puisque pour assassiner quelqu'un, on va simuler une amitié et simuler. Bon, donc ça passe dans... ça passe au Moyen-Âge, et on retrouve ça sous des formes différentes, bien entendu. Mais cette idée de l'amitié vertueuse passe au Moyen-Âge. Et évidemment, ce qui change, c'est que l'amitié n'est plus au service de Rome et de la cité. Mais au fond, ce qui va insuffler cette amitié progressivement, c'est l'amour de Dieu, qui devient cette construction idéologique dans laquelle s'inscrit l'amitié, d'autant plus que amitié et amour, ce sont le même mot. Donc, vous avez cette fois-ci une conception, une construction idéologique qui devient une construction religieuse, ce qu'elle n'était pas dans l'Antiquité, en tout cas de la même manière. Oui, les penseurs chrétiens s'accommodent très bien de traiter de l'amitié de Cicéron, parce que ils le prennent, mais l'adaptent. Ils l'inscrivent dans une construction autre qui est la société chrétienne. Et d'ailleurs, qu'en est-il des moines, l'amitié des moines? Parce que là, on a une société très particulière, hein, celle du monastère. Amitié entre moines? Alors, amitié entre moines, la règle bénédictine qui va s'imposer progressivement et devenir la seule règle jusqu'à l'arrivée d'autres règles au milieu du Moyen-Âge et à la fin du Moyen-Âge. Mais la règle bénédictine n'interdit pas l'amitié entre moines. Elle note simplement que le rapprochement entre moines ne doit pas nuire à la communauté, à l'unité de la communauté. Mais sinon, l'amitié entre moines, au contraire, si elle est tournée vers le bien, peut renforcer l'unité de la communauté et peut élever les âmes. De cette manière-là, au sein de la communauté, l'amitié n'est pas interdite. Simplement, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de trop grande proximité entre le moine âgé et des jeunes moines, des jeunes novices, etc., pour éviter toute déviation. On a vu le nom de la rose. On voilà. sait jusqu'où ça peut aller. Exactement. Et pour les communautés féminines, c'est la même chose, en fait. C'est la même règle. Pour les communautés, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et puis, Régine Lejean, il y a le cas très particulier de l'amitié entre les souverains. Parce que là aussi, l'amitié devient politique et deux souverains qui se disent amis, ah ben c'est sûr que ça ressemble beaucoup à une alliance. Réveillé aux premières heures du matin, l'empereur se rendit auprès du roi des Francs. Ils s'embrassèrent fortement et échangèrent des baisers. Puis assistèrent à la messe solennellement célébrée par les évêques et décidèrent enfin de manger ensemble. À la fin du repas, le roi Robert fit à Henri cadeau d'immenses quantités d'or, d'argent et de pierres précieuses, ainsi que 100 chevaux somptueusement parés, disant que tout ce qui lui laisserait diminuerait d'autant leur amitié. Henri, attentif à la générosité de son ami, ne prit qu'un évangéliaire orné d'or et de pierres précieuses et un reliquaire contenant une dent de Saint-Vincent. Son épouse ne prit qu'une paire d'encensoirs d'or. Puis il partit, laissant signe de gratitude tous les autres cadeaux. Daniel Königsberg qui nous racontait la rencontre amicale des rois des Francs, alors Robert Ier d'un côté et Henri Ier de Germanie de l'autre. Nous étions en l'an 923. C'est d'ailleurs très beau cet échange de cadeaux, on ne prend pas tous les cadeaux. On retrouve ce que vous nous avez expliqué, Régine Lejean, tout cela est très codifié, oui. Des rites. Et le lendemain, il y a l'inverse. Et de la même manière, Henri ne va pas prendre tous les cadeaux. Alors, ces rencontres de rois qui se situent sur les fleuves à cette époque-là, c'est-à-dire en principe ce qui fait la limite entre les royaumes, mais en général le fleuve en question ne fait pas exactement la limite entre les royaumes, mais c'est un symbole. Et là, on était dans la Roure, oui, sur le Rhin. Et là, de toute manière, ils ne se sont pas rencontrés au milieu du fleuve, mais il y en a un qui a pénétré dans le royaume de l'autre. Et ensuite, le lendemain, la même chose. C'est donc une alliance qui est scellée, une amitié qui est conclue. Dans la tradition qui remonte à l'Empire romain, puisque Rome concluait des amitiés avec d'autres États, mais à l'époque de l'Empire romain, était tellement vaste qu'il s'agissait de conclure des alliances avec des rois barbares. À l'extérieur de l'Empire romain ou ceux qui étaient déjà installés à l'intérieur de l'Empire romain. Donc c'était des alliances politiques et c'est dans cette tradition-là que se situent ces pactes d'amitié entre des souverains. On en trouve à l'époque mérovingienne, entre les souverains mérovingiens et les rois barbares d'Espagne, d'Italie, de Thuringe, etc. Donc on a des exemples de pactes d'amitié entre Clovis et Théodoric, le roi des Ostrogoths par exemple, puis plus tard. Et à l'époque carolingienne, on a des pactes d'amitié de ce genre. Et à l'époque féodale, vous en avez là. L'exemple, un magnifique exemple, ici. En revanche, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que vous voyez une forme de rivalité à l'intérieur de ce rituel, puisque la coutume n'a pas été respectée comme elle l'aurait dû. D'ailleurs, on dit que les grands ont murmuré parce que la rencontre n'a pas eu lieu au milieu du fleuve. Et cet étalage de richesses qui est fait pour les cadeaux, là aussi, paraît ostentatoire. Il s'agit d'une démonstration de richesse qui a un côté provocateur. Et la réponse de Henri et de son épouse, c'est de ne prendre que quelques objets, alors que le roi dit qu'il souhaitait qu'ils prennent tout, qu'ils prennent les chevaux, qu'ils prennent tout, et ils ne prennent que quelques objets religieux. Donc ils placent cet échange sous le signe religieux, mais ils refusent s'inscrire dans ce contexte compétitif. Parce qu'il est évident que dans le cadre de ces amitiés politiques, de ces pactes politiques, l'aspect compétitif est toujours présent, la rivalité est toujours présente. Ici, on peut bien dire qu'il y a une alliance par l'amitié. Bien souvent, c'est par le mariage que l'on présente les alliances. On l'oublie souvent, cette alliance par l'amitié. Oui, c'est une. Il y a deux formes en fait, hein, de conclure des amitiés entre deux souverains. C'est soit conclure un mariage, soit conclure une amitié, soit les deux. Mais de toute manière, le but est toujours d'établir l'amitié, puisque le mariage a pour but d'établir l'amitié entre non seulement le mari et la femme, qui vont s'aimer, ce qui est une forme d'amitié. D'ailleurs, on appelle souvent l'épouse à l'époque féodale « mamie, mon amie », mais aussi d'unir deux parentèles et d'unir ici deux souverains, lorsqu'il s'agit de souverains, et à travers les souverains, d'unir leurs fidèles et d'unir leur peuple. Donc, le but est toujours d'établir l'amitié. Et lorsqu'il n'est pas possible d'établir un mariage, pour une raison ou pour une autre, eh bien, on établit un pacte. C'est le pacte d'amitié. Voilà. On choisit ses copains, mais rarement sa famille, chantait le troubadour Renaud. Est-ce qu'on choisit vraiment ses amis au Moyen-Âge? Est-ce que parfois des amis ne nous sont pas imposés par ce système complexe au fur et à mesure qu'il évolue jusqu'à la féodalité? Bien sûr. D'abord, l'amitié peut être héritée, et ça, on le voit très bien à l'époque antique. Je ne vais pas dire que c'est moins vrai, c'est tout aussi vrai, mais c'est moins exprimé à l'époque médiévale. Pourquoi on voit mieux à l'époque antique? Toujours à cause de ces fameuses lettres où on a clairement, où il est clairement fait mention d'amitié héritée. Toi, mon ami, nos parents étaient déjà amis, nous avons hérité l'amitié de nos parents. Et il est évident qu'on retrouve cela au Moyen-Âge, on le voit très bien. Mais toute parenté ne signifie pas amitié. Et ça aussi, on a trop souvent tendance à considérer que la parenté oblige. Et si la parenté oblige à l'amitié, à l'amour, au sein de la famille étroite, mais ce qui n'est pas toujours vrai, puisqu'on peut se déchirer entre frères ou on peut se déchirer entre parents-enfants, mais là, c'est considéré comme un scandale. Au-delà du cercle étroit, la parenté ne signifie pas amitié, parce qu'elle ne signifie pas automatiquement bienveillance, puisque nous sommes dans un système de parenté, ou plutôt dans une parenté, dans des relations de parenté extrêmement diverses, cognatiques, où on remonte aussi bien par la mère que par le père, la grand-mère. Donc, on a des relations de parenté de toute nature, et elles ne peuvent pas être toutes performative. Donc il faut de l'amitié. Et cette amitié naît de la familiarité. Et c'est exprimé. Alors c'était déjà exprimé chez Aristote. Et ces textes passent au Moyen-Âge. On trouve les mêmes textes chez, par exemple, un auteur comme Sigebert de Jambloux. s'est passé, je pense, à travers des digestes romains, et on retrouve cette façon d'expliciter le fait que la parenté sans amitié est une coquille vide. Donc il faut activer la parenté comme il faut activer la relation de vassalité. Voilà, cette relation qui est bien différente de celle que nous avons aujourd'hui, de l'amitié. Merci beaucoup à vous, Régine Lejean, de nous l'avoir présentée. Ami ou ennemi, émotion, relation, identité au Moyen-Âge, est publié au Seuil. Là, vous avez fait pour nous, merci beaucoup, un focus sur le côté ami de votre ouvrage. Vous me l'avez demandé. Voilà, et bien vous reviendrez pour les ennemis, la face obscure de la question. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment contrôlait-on les migrants dans l'Antiquité ? Dans l'Antiquité, comme dans toutes les autres époques de l'histoire humaine, la circulation des hommes a été une dimension essentielle de la vie économique, sociale et culturelle. Pour cultiver la terre, pour développer leur industrie, leur population ou le nombre de leurs soldats, les cités, les États et les empires ont fréquemment favorisé et même encourager l'installation de populations étrangères sur leur territoire. Mais, comme le souligne l'historienne Claudia Moati dans l'introduction de l'ouvrage qu'elle a dirigé sur le sujet, si la mobilité des hommes a toujours été une nécessité pour le développement des activités humaines, les migrants ont constamment fait l'objet d'une suspicion qui explique les diverses formes de contrôle auxquelles ils ont dû se soumettre. Platon, qui voyait dans le mélange des peuples une des causes de la dégradation des mœurs, avait déjà proposé une série de lois visant à réglementer l'accueil des étrangers et à limiter la mobilité des citoyens. Tout au long de l'Empire romain, de nombreuses mesures de ce type furent adoptées par les autorités. Tacite raconte qu'au milieu du 1er siècle, seuls les Hermunduri, un peuple loyal à l'égard de Rome, pouvaient entrer sur le territoire sans surveillance pour acheter et vendre ce qu'ils voulaient. Mais les marchands des autres peuples germaniques n'étaient pas autorisés à commercer dans le territoire romain, ou alors que sous escorte et seulement dans certaines places. Un siècle plus tard, Dion Cassius ajoute que l'empereur Marc Aurèle interdit aux Quades, un autre peuple germanique, de fréquenter les marchés romains. Commode lui emboîta le pas, quelques décennies plus tard, en limitant à une par mois les rencontres entre des marchands romains et germains et en les plaçant sous la surveillance d'un centurion. Les étrangers, auxquels étaient accordés certains droits, notamment sur le plan judiciaire ou économique, devaient prouver leur identité. On touche ici à une autre constante de longue durée. Contrôler la circulation des hommes aboutit toujours à perfectionner les techniques d'identification. Dans l'Antiquité, les rapports entre les hommes étaient encore dominés par des relations de face à face. Pour prouver qui il était, un individu pouvait solliciter le témoignage oral d'un ami ou de sa famille, ce qui était impossible pour ceux qui se déplaçaient loin de leur domicile. Les éléments de leur identité que ces migrants devaient prouver pouvaient varier en fonction des circonstances. Le plus souvent, c'est leur identité ethnique ou civique qu'ils devaient attester. Mais parfois, il s'agissait de leur identité religieuse ou de leur statut social. Les migrants pouvaient prouver leur identité à l'aide de documents écrits. Mais bien d'autres procédés ont existé dans l'Antiquité. Parmi eux, on peut citer la signature, qui supposait un certain degré d'alphabétisation, la déclaration simple ou sous serment. Mais ceux qui étaient chargés d'identifier les migrants pouvaient aussi tenir compte de certaines particularités physiques, comme les cicatrices ou les tatouages, ou des signes qui attestaient leur position sociale, repérés dans les vêtements, les chaussures, voire même dans des objets figurés comme les sceaux. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Thomas Beau, préparée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Émission préparée par Mathieu Coppala, Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Copet et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire retrouve à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.